Chapitre 315. L'interdiction absolue de faire volontairement des faux serments. 1712. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui usurpe les biens d'un musulman par un faux serment sera frappé par la colère d'Allah le jour où il le rencontrera. Ibn Mas'ud ajouta: puis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam récita comme preuve de ce qu'il affirmait ce verset du livre d'Allah azza wa jal: ceux qui vendent ta ville prient leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'auront qu'une part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Sourate 3, verset 77, Al-Bukhari et Muslim. 1713. D'après Abu Umama Iyas ibn Tha'lab al-Harithi, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Allah condamne à l'enfer et interdit le paradis à celui qui s'approprie les droits d'un musulman par un faux serment. Un homme lui dit alors: ô messager d'Allah, même s'il s'agit d'une chose insignifiante? Il répondit: même s'il s'agit d'un bâton d'arak, arbre dont les branches sont utilisées pour se frotter les dents. Muslim. 1714. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les péchés majeurs sont le polythéisme, la désobéissance aux parents, le meurtre et le faux serment. Al-Bukhari. Dans une autre version, on rapporte qu'un bédouin se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: ô messager d'Allah, quels sont les péchés majeurs? Il répondit alayhi salatu wassalam: le polythéisme. L'homme ajouta: et ensuite? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: le faux serment, al-yamin al-ramous. Je demandais, c'est-à-dire le narrateur, qu'est-ce que le faux serment? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit: celui qui conduit à la spoliation d'un musulman.